Chapitre 44e. Dès le matin, j'allai chez Monsieur le Comte. Il avait fort mal passé la nuit. J'y retournais l'après-dîner. On venait de lever le premier appareil et l'on n'osait point encore assurer que la blessure ne serait pas mortelle. À 7 heures du soir, je quittai Rosembert pour courir à la rue du Bac. Je n'y vis point le vicomte de Florville. Ce fut Madame de B que j'y trouvais. Madame de B, comme au jour de Longchamp, dans tout l'éclat de sa parure, qu'elle était belle. Emportée par le premier transport de mon admiration, j'allais tomber à ses genoux. Et la marquise, paraissant, m'y contemplait avec moins d'orgueil que de plaisir, avec une plus douce ivresse que celle dont le seul amour-propre est la cause, la marquise ne se pressa pas de me relever. « Ma belle maman, n'est-ce pas bien imprudent à vous d'être venue dans ce costume si remarquable ?»« Valait-il mieux ne pas venir ? » répondit-elle. « J'arrive de Versailles dans mon whisky. Le seul Desprez m'a ramené. » Il faisait nuit d'ailleurs, et je ne suis pas entré par la rue du Bac. Il y a donc une porte dérobée. Oui, mon ami. Ma belle maman, permettez-moi de vous assurer de toute ma reconnaissance. Les papiers que vous m'aviez promis, ont-ils produit l'effet que nous en attendions? Oui. Mon père ne songe plus à voyager avec moi. Cependant, une chose encore m'inquiète, je vous l'avoue, c'est d'être obligé de quitter Paris si vite. Ne serait-il pas possible de différer quelques jours? Au contraire, s'écria-t-elle. Je crains bien que vous ne receviez incessamment l'ordre de partir encore plus tôt. Il court un bruit de guerre. La plupart des officiers ont déjà rejoint. Ce n'est qu'avec beaucoup de peine que j'avais obtenu pour vous ce retard d'une quinzaine. Mon Dieu, comment ferai-je donc pour... Elle m'interrompit vivement. Vous ne me parlez pas du malheureux événement de la soirée d'hier. Maman, vous semble-t-il en effet malheureux? Pouvez-vous me le demander? Était-ce de la main de Monsieur de B que Rosembert devait mourir? J'aurais donc impunément souffert l'outrage de ses calomnies et la flétrissure de ses embrassements. Il ne m'aura donc pas été permis de lui arracher devant vous, avec le tardif remords de son dernier crime, l'aveu de toutes ses impostures. La fortune, encore une fois, a trahi mon courage et mes espérances. N'accusez pas la fortune. Votre courage fut récompensé par le succès du combat de Compiègne, et dans la rencontre d'hier, toutes vos espérances ont été remplies. Remplies! Apprenez ce que m'a dit le comte, prêt à s'évanouir. Faublas, assurez au moins Madame de B que je ne suis pas mort sans avoir éprouvé le sincère repentir de mes cruels procédés pour elle. Cruel, plus que vous ne pensiez, il est trop vrai que... Ma belle maman, Monsieur le comte n'a pas eu la force d'achever. Il n'a pas eu la force d'achever. Vous, cependant, Faublas, comment avez-vous interprété cette involontaire réticence? Le sens ne m'en paraît pas équivoque. Eh bien... J'ai compris qu'il voulait m'avouer que jamais il n'avait possédé votre personne. Votre personne avec votre amour, j'entends. Avoué ? S'écria-t-elle en prenant mes mains dans les siennes. Vous croyez donc que c'est hier qu'il vous a dit la vérité ? Je vous assure, madame, qu'il me serait cruel de n'en être pas persuadé. Elle porta la main sur son cœur. Vous le croyez ? Faublas, mon ami, sentez, sentez ces battements. Voilà depuis 6 mois le seul moment de joie qui m'ait été donné. Laissez, mon cher ami, laissez couler mes larmes. Depuis si longtemps, celles que je verse sont tant d'amertume. Je trouve à celles-ci tant de douceur. Laissez, laissez couler mes larmes. Elles me soulagent d'un fardeau qui commençait à m'accabler. Ah, pourtant, Faublas, quelle félicité plus grande si j'avais pu moi-même, dans le sang de mon ennemi, laver mes injures, mériter ainsi d'obtenir à tes propres yeux ma réhabilitation complète. Que dis-je ? Ajouta-t-elle en posant sur mes lèvres ses lèvres brûlantes. « Qu'importe ma vengeance? Ne suis-je pas désormais pleinement justifié? Ne me dois-tu pas toute ton estime et même une tendresse égale ?» Enivré de ses caresses, je lui prodiguai les miennes. « Eh bien, soit » s'écria-t-elle en s'y livrant tout entière. « Qu'enfin l'amour, l'invincible amour l'emporte! Depuis 2 mois, j'oppose toute la résistance dont une mortelle est capable. Il m'a 20 fois arraché mon secret. » Qu'il triomphe aussi de mes résolutions, qu'il me rende avec l'amant idolâtré quelques moments d'un suprême bonheur. Fallut-il les acheter encore de plusieurs siècles de tourments? Dussé-je entendre un ingrat jusque dans mes bras appeler Sophie et regretter Madame de Lignol? Dussé-je enfin quelques jours payer de ma vie? Elle n'en dit pas davantage. Je venais de la porter sur un lit de délices où nos âmes se confondaient. Quelle imprévue catastrophe allait nous tirer de notre ravissante extase pour faire succéder aux gémissements de l'amour les cris de rage et de douleur. la porte de la chambre où nous étions ayant été brusquement ouverte. « Maintenant, le croyez-vous ? » dit Madame de Fontrose à M. de B. Celui-ci, ne pouvant plus douter de son malheur, devint furieux. Il se précipita l'épée à la main sur un homme sans armes et qui, d'ailleurs, surpris dans le plus grand désordre, était absolument hors de défense. La marquise, trop prompte, ma trop généreuse amante, se jeta devant le glaive menaçant. Le marquis frappa. « Grand Dieu !» Madame de B. résista d'abord à la violence du coup, et dans l'instant même, ayant tiré de sa poche deux pistolets chargés, elle étendit la baronne à ses pieds. Elle dit à son mari, « Vous venez d'attenter à ma vie, je suis maîtresse de la vôtre. Je ne prétends pas venger ma mort, qui sans doute est prochaine, mais, » ajouta-t-elle en s'appuyant sur moi, « je vous déclare que je suis contre tous déterminé à le sauver. » Quoique je fisse de grands efforts pour la retenir, elle tomba sur ses genoux, s'appuya sur sa main droite et me présenta le pistolet qu'elle tenait encore de la gauche. « Tenez, Faublas, et vous, monsieur de B., si vous faites un pas vers lui, qu'il vous arrête. » À peine avait-elle dit qu'elle se renversa dans mes bras où elle perdit connaissance. Le marquis ne songeait plus à menacer ma vie. Déjà, sa fatale épée lui était échappée de ses mains. « Malheureux ! » s'écria-t-il avec tous les signes du plus grand désespoir. « Qu'ai-je fait ? Où fuir ? Où me dérober à moi-même ? Ne l'abandonnez pas. Vous autres, prodiguez-lui tous vos secours. Mon Dieu, comment sortir d'ici ?» Il était si troublé qu'il eut en effet beaucoup de peine à trouver la porte. Cependant, Madame de Fontrose, dont la mâchoire inférieure était toute fracassée, poussait d'horribles cris. Il accourut une foule de gens que je ne connaissais pas, que je voyais à peine. Plusieurs chirurgiens arrivèrent. La baronne fut aussitôt reportée chez elle, mais pour l'infortunée marquise, on n'osa pas risquer le transport. Nous la prîmes à quatre. Nous la portâmes mourante sur ce même lit où, quelques minutes auparavant, oh Dieu, Dieu vengeur, si c'est une justice, elle est bien cruelle. La profonde blessure était au sein gauche, près du cœur. Madame de B. ne passerait peut-être pas la nuit. On lui mit le premier appareil. Alors elle revint de son long évanouissement. « Faublas ? » dit-elle. « Où est Faublas ? Me voilà désespéré. »« Madame, » s'écria le premier chirurgien, « ne parlez pas. »« Dussé-je mourir tout à l'heure ? » répliqua-t-elle. « Il faut que je lui parle. » Et d'une voix éteinte, elle balbutia ces mots entrecoupés. « Mon ami, vous reviendrez. Vous ne laisserez pas des gens indifférents me fermer les yeux. Vous recevrez mes derniers aveux et mon dernier soupir. Mais quittez-moi pour quelques minutes. Courez. La lettre de cachet va sans doute arriver de Versailles. Courez. Sauvez l'infortunée comtesse, s'il en est temps encore. » Aussitôt je m'élance. Je ne marche pas, je vole dans les rues. Mon Éléonore, il l'enfermerait. Il faudra d'abord qu'il m'arrache la vie. Mais si déjà l'ordre barbare est exécuté, s'il est exécuté, c'en est fait, plus de ressources, plus d'espoir. La comtesse, également impatiente et sensible, ne pourra pas, seulement 8 jours, supporter l'esclavage et l'absence. La mère et l'enfant périront, et moi, malheureux, je serai donc obligé de leur survivre, moi, qui pourrais m'empêcher de les suivre au tombeau. Plein de ces idées si tristes, j'arrive à l'hôtel de Madame de Lignol. Sans m'arrêter devant la loge du Suisse, je crie « La fleur !» En un instant, je passe, je traverse la cour, je me précipite sur l'escalier dérobé, je frappe à la petite porte de Mademoiselle de Brumont. On accourt, on ouvre. Quel bonheur, c'est la comtesse. Un cri de joie m'échappe. Elle y répond par un cri de joie. « Déjà, mon ami, mon Éléonore, je tremblais qu'il ne fût trop tard. Viens, où cela ? Viens avec moi. Comment ? Viens vite, ta liberté est menacée. Ma liberté ? Je ne verrai plus mon amant. Que cherches-tu ? Mes diamants. Ils sont chez moi, tu ne les as pas remportés. Ma tante, où est-elle ? Dans le salon. Cours lui dire adieu. Mais non, Madame d'Armincourt voudrait t'emmener avec elle. C'est avec moi qu'il faut venir. D'ailleurs, les frayeurs de la marquise pourraient nous découvrir. Il vaut mieux qu'elle ignore pendant quelque temps ce que tu seras devenu. Mais viens vite. Hâtons-nous, il n'y a pas un moment à perdre. » Nous descendons sans bruit. Favorisés par la nuit, la comtesse glisse jusqu'auprès de la porte cochère. Alors, ayant pris la précaution d'enfoncer mon chapeau sur mes yeux, je frappe au carreau du Suisse. C'est moi qui viens de parler à la fleur. Tirez le cordon. » Le domestique, préoccupé de sa partie de cartes, obéit machinalement. « Madame de Lignol est dans la rue, je m'élance après elle. » Mon Éléonore saisit mon bras et presse sa marche autant qu'il est possible. Nous n'osons dire un mot. Tout ce qui se passe autour de nous cause nos mortelles inquiétudes. Ainsi, tourmentés de mille craintes, mais encore soutenus par le plus doux espoir, nous gagnons la place Vendôme. Ce fut par la porte du jardin que nous entrâmes à l'hôtel, et comme nous nous jetâmes aussitôt dans le petit escalier, personne ne put nous apercevoir, excepté Jasmin. Mon domestique apporta des bougies. « Bon Dieu, » dit Madame de Lignol, « j'ai du sang sur les mains. Faublas, les vôtres en sont pleines. » Je ne pus retenir un cri d'horreur, et tout à coup, fondant en larmes, « Ce sang, c'est le sang d'une amante. Dans quel moment tu viens unir tes destinées aux miennes ? Éléonore, ma chère Éléonore, veille sur toi. Prends garde. Je suis environné des vengeances du ciel. La mort autour de moi frappe ou menace les objets les plus chers à mon cœur. Veille sur toi. Ce sang, c'est celui d'une amante. » Quel discours, Faublas ! Et quel désespoir ! Vous me glacez d'effroi. Mon ami, ce sang, c'est celui d'une amante. La marquise. C'est poignardé ? Non, son mari. Ah, cruel ! Mourante, elle a rassemblé ses forces pour m'avertir du péril auquel tu restais exposé. Que je la remercie. Et pour me supplier de revenir bientôt recevoir son dernier soupir. Pauvre femme, il faut courir, mon ami. Tiens, j'y vais avec toi. Impossible. Tant de gens qui te menacent. Tant de monde auprès d'elle. Eh bien donc, va seule, va consoler ces derniers moments. Mais ne restez pas longtemps chez elle, Faublas. Tu lui diras que ma haine est éteinte, que je suis profondément affligé de son infortune, que je voudrais pouvoir... Oui, mon Éléonore, je lui dirai que tu as un excellent cœur. Mais revenez bien vite, ne me laissez pas ici. Bien vite, le plus tôt possible. Jasmin, comme il se pourrait que mon père voulût monter chez moi, faites passer Madame de Lignol au fond de l'appartement, dans le boudoir. Que Monsieur de Bellecour ne la découvre pas, que personne ne puisse l'entrevoir. Jasmin, je vous confie Madame la Comtesse, je vous la recommande, vous me répondez d'elle et songez qu'il y va de ma vie. Il n'y a qu'un pas de la place Vendôme à la rue du Bac, aussi je ne mis qu'un moment à retourner près de la marquise. Un homme et plusieurs femmes environnaient son lit. « Que tout le monde se retire, » dit-elle en me voyant entrer. Le médecin lui représenta qu'elle ne devait pas parler. « Un dernier entretien avec lui, » répondit-elle. « Vous me gouvernerez ensuite comme il vous plaira. Qu'on nous laisse seuls. » Il voulut répliquer. Un ordre absolu lui ferma la bouche. « Est-elle sauvée, mon ami ? Elle est chez moi. Ne l'y gardez pas longtemps. Au reste, Després, chargé de mes instructions secrètes, vient de partir pour Versailles. Tant qu'un souffle de vie me restera, ne craignez plus rien pour la comtesse. » Madame de B garda quelque temps un morne silence. Puis elle fixa sur moi ses yeux pleins de larmes, et m'ayant fait signe d'apporter ma main dans la sienne. « Eh bien, Faublas, » me dit-elle, « n'admirez-vous pas ma triste destinée ? Autrefois, à ce village de Holris, vous m'avez vu sur un lit d'opprobre. Aujourd'hui, vous me voyez au lit de la mort, et le plus cruel revers, aujourd'hui comme autrefois, a renversé tous mes projets à l'instant marqué pour leur exécution. Faublas, mon portefeuille est là. Cherchez-y cet écrit funeste qui précipita mes plus fatales résolutions. Reprenez la lettre de votre beau-père, reprenez-la. Je la sais tout entière et n'en ai plus besoin. Quelle lettre ! Grand Dieu, comme j'y suis traité ! Que de crimes on osait me supposer, dont l'idée ne m'était seulement pas venue ! Quel avenir on m'annonçait ! Quel épouvantable avenir que je n'avais pas encore mérité ! Le profond sentiment d'une injustice irrite un esprit fier et trop souvent le porte aux extrémités les plus inexcusables. J'en fis malheureusement l'expérience. Mademoiselle de Pontis partageant un amant banal et le mépris public avec la marquise de B. Bah, du portail, tu la connais bien peu, cette marquise de B que ta fureur accuse. Elle ne fut jamais passionnée ni généreuse à demi. Ce n'était point pour partager Faublas qu'elle courut le chercher au Luxembourg. Ce n'était point pour le disputer à Sophie qu'ensuite elle lui permit de l'aller rejoindre. Ta haine, cependant, est la récompense des sacrifices qu'elle a déjà faits, et pour prix des pénibles combats qu'elle livre encore chaque jour, tu lui promets, avec le mépris public, d'inévitables malheurs. Bah, je le savais, que ta fille et toi vous me détestiez, que les hommes condamnaient sévèrement sur les apparences et ne revenaient pas de leur jugement, que la fortune, inflexible comme eux, ne révoquait point ses arrêts, et qu'un grand revers était trop souvent le gage d'un revers plus grand, je le savais. Mais toi-même, assure que vos communes persécutions ne finiront point. Eh bien, ne pouvant m'en prémunir, je les justifierai. Du portail, je suis lasse de m'immoler pour des ingrats. Puisque je ne dois plus rien espérer, puisqu'il ne me reste plus rien à perdre, je veux du moins retirer quelques fruits de mon déshonneur qui fait ta joie. Je veux que l'amour revienne abréger la vie dont tu demandes la fin. Tu verras ce que la marquise, environnée d'ennemis, peut encore entreprendre. Tu verras si je suis femme à partager un amant. Ainsi, Faublas, ainsi, dans mon désespoir, je jurais que Sophie ne vous serait point rendue, et que Madame de Lignol aussi connaîtrait à son tour les tourments que depuis trop longtemps j'endurais. Obligé de vous laisser rentrer à Paris, je devais le plus tôt possible vous en éloigner, de peur qu'un hasard fatal à mes nouveaux desseins ne vous fît découvrir que votre beau-père était encore venu rechercher un asile dans la capitale. « Quoi, ma Sophie? De grâce !» s'écria Madame de B. « Ne m'interrompez pas. Tâchez surtout de dissimuler votre cruelle joie. Prenez pitié de l'état où je suis. » « Écoutez, » reprit-elle. Monsieur du Portail fuyait de Fromonville avec votre épouse et deux étrangères que je ne connais point. Després chargea l'un des miens de rester à Puy-la-Lande afin de s'arranger de manière que vous n'y trouvassiez pas de chevaux. Després ne cessa pas de poursuivre votre beau-père. Celui-ci, laissant à quelque distance de Montargis les deux inconnus continuer la même route, mit pied à terre avec sa fille et s'étant jeté dans un chemin de traverse, il vint reprendre la poste à Dormans et le chemin de Paris par Meaux. Ce fut à Bondy qu'on perdit ses traces. Votre beau-père est certainement dans la capitale, mais je ne sais comment il a trouvé l'impénétrable retraite où depuis plus d'un mois il échappe à toutes mes recherches. Cependant, il ne fallait qu'un hasard imprévu pour vous découvrir ce que je cherchais inutilement. Je devais donc me hâter de vous donner un état qui vous força de quitter Paris et de vivre dans une province éloignée, où je me flattais de vous rendre bientôt votre exil agréable. Je vous fis capitaine au régiment de X. Madame de Fontrose, malheureusement placée entre la comtesse et le baron, pouvait doublement contrarier mes desseins. Il ne me fut pas malaisé de commencer sa rupture avec Madame de Lignol et de déterminer M. de Belcourt à quitter son indigne maîtresse. Je nourrissais toujours de justes projets de vengeance contre mon plus cruel persécuteur. Je ne désespérais pas de l'obliger sous quelques jours à me combattre encore, et si, comme la première fois, je ne portais qu'un coup mal assuré, si Rosambert échappait à la mort, au moins, je pourrais peut-être lui arracher l'aveu de ses impostures, recouvrer ainsi toute votre estime et reprendre à mes propres yeux quelques valeurs. Cependant, comme votre ami ne pardonnerait sûrement pas à Madame de B les excès dont il s'était rendu coupable, il me parut d'abord indispensable d'éloigner de vous ce conseiller perfide et d'essayer de mettre fin aux plaisanteries dont il ne cessait d'outrager l'hymen en général et quelques époux en particulier. Je lui fis donner Mademoiselle de Mésange et l'ordre de rejoindre son régiment. Une ennemie infiniment redoutable me restait encore. C'était cette Madame de Lignol que j'aurais beaucoup aimée si vous ne me l'aviez pas donnée pour rival. La fleur qui m'était vendue, le traître La Fleur, me faisait tous les jours des rapports dont mon inquiétude s'augmentait sans cesse. Il devenait pressant d'élever entre la comtesse et vous des obstacles à jamais insurmontables. Je fis venir le capitaine. Il se hâta de solliciter à Versailles une lettre de cachet qu'on tenait toute prête. Madame de Lignol allait être arrêtée. Faublas, pourquoi cette agitation si vive? Pourquoi cette pâleur soudaine? Vous m'accusez d'avoir été cruel envers Éléonore? Attendez, mon ami. Si vous me jugez précipitamment, vous me jugerez avec trop de rigueur. Demain, le capitaine recevait l'ordre de retourner à Brest et de s'y rembarquer. La comtesse perdait sa liberté pendant quelques jours seulement. On devait bientôt lui donner pour prison la terre que sa tante possède en Franche-Comté. Rien, je vous le proteste, n'eût été négligé pour défendre cette malheureuse enfant du ressentiment de ces deux familles. mais après l'éclat de sa détention, vous n'auriez jamais pu la revoir, et je m'étais réservé d'ailleurs plusieurs moyens de vous en empêcher. Enfin, vous partiez pour Nancy. C'était dans ces environs que nous allions nous rencontrer. C'était sous l'heureux ciel de la Lorraine que je devais retrouver mon amant et mes beaux jours. Que devint projet ? Ah, malheureuse ! Quand j'espérais te consacrer ma vie, la mort m'attendait. L'épée fatale du marquis, après m'avoir enlevé ma victime, est venue jusque dans tes bras frapper la sienne. C'en est donc fait. Je vois ma tombe entr'ouverte. Il y faut descendre à 26 ans. Voilà pourtant où m'aura conduite une passion trop tard combattue. Puisse du moins mon exemple avertir la foule des infortunés menacés d'un destin pareil. Puisse-t-il, dans le grand nombre, en sauver quelques-unes. Qu'on leur apprenne à toutes mes premières faiblesses et mes premiers revers, mon inutile résistance, mes coupables desseins et ma fin déplorable. Qu'elles sachent que l'amour ne me donna pas un instant de félicité qui n'eût été précédé des plus vives inquiétudes, accompagné des plus grands dangers, suivi des plus irréparables malheurs, qu'elles le sachent, et que remplies d'un effroi salutaire, elles s'arrêtent, s'il est possible, sur le penchant du précipice où j'aurais péri. Et pour qu'elle puisse concevoir le suprême pouvoir de cet amour qui m'entraîna, toi, Phoblas, que j'aurais peut-être étonné jusque dans mes derniers moments, toi, mon amant toujours idolâtré, dis-leur que ma réputation, mes richesses, mon rang, ma beauté perdue sans retour, ne me coûtèrent pas un regret, mais que notre éternelle séparation fit mon désespoir. Dis-leur néanmoins que, prête à te quitter, je me suis estimée trop heureuse d'avoir pu sauver, aux dépens de mes jours, tes jours plus chers, trop heureuse d'avoir pu, du moins encore une fois, t'appartenir et, dans un dernier embrassement, calmer un peu l'ardeur du feu dont j'étais consumée, de ce feu dévorant, qui ne devait s'éteindre qu'avec... Elle n'acheva point, elle tomba dans une extrême faiblesse. Le médecin accourut à mes premiers cris. Il me supplia de me retirer si je ne voulais pas, me répéta-t-il plusieurs fois, hâter l'instant fatal. À mon retour, Madame de Lignol s'écria... « Vous avez été bien longtemps? Est-elle morte ?»« Non, mon ami. »« Non, tant pis. »« Comment ?»« Sans doute. Je n'ai pas songé d'abord. Son mari l'a tuée parce qu'il vous a surpris, me faisant avec elle une infidélité. » J'eus beaucoup de peine à rassurer la comtesse. Enfin, la pitié qu'elle devait aux infortunes de Madame de B rentra dans son cœur, et la situation critique où elle se trouvait elle-même sollicitant toute son attention, nous songeâmes aux moyens de prévenir les malheurs qui nous menaçaient. Une heureuse nuit nous fut encore permise, pendant laquelle mon Éléonore, en ne cessant de me prouver sa tendresse, ne cessa de m'entretenir de son enlèvement qui devenait indispensable. Nous convînmes que dans la journée prochaine, je ferais tous les préparatifs nécessaires et que la nuit suivante verrait notre fuite. Toujours pleine de confiance, Madame de Lignol se croyait déjà loin de sa patrie, et moi, le cœur navré d'un profond chagrin, l'esprit encore agité de mes irrésolutions secrètes, je n'envisageais qu'en tremblant le douteux avenir. Je n'osais porter mes regards sur le présent trop certain. Oh, Madame de B., je vous voyais sans cesse au lit de la mort. Oh, mon père, oh, ma sœur, oh, ma Sophie. Je faisais d'inutiles efforts pour écarter votre souvenir qui m'obsédait. L'aurore enfin parut. Un affreux spectacle. Un sinistre augure devait commencer le plus malheureux de mes jours. Quand j'entrais chez la marquise, elle avait les yeux égarés, et d'une voix très brève, elle disait « Oui, voilà mon tombeau. Mais cet autre, à qui le destinez-vous ? Où est Phoblas ? Courez ! Avertissez-le que mes ennemis veulent l'assassiner. Que le marquis et le capitaine, il approche, il traîne. Ah, pauvre petite ! Viens donc, Phoblas, vite ! Que fais-tu ? Qui t'arrête ? Viens donc la secourir ! Il n'est plus de temps, c'en est fait. Dieu, grand Dieu, c'était pour elle qu'il creusait cette tombe à côté de la mienne. » Madame de B., violemment agitée, avait trouvé la force de se mettre sur son séant, et comme on accourait pour l'obliger à prendre une autre situation, elle retomba. Je l'entendis encore murmurer quelques discours sans suite qui redoublèrent mon épouvante et ma douleur. « Une fièvre terrible, me dit le médecin, un délire continuel. C'est ainsi qu'elle a passé toute la nuit. Monsieur, je ne dois pas vous flatter. Il est impossible qu'elle résiste longtemps. » Je m'en allai chez Rosenbert. il commençait à donner quelques espérances. Cependant, on n'osait encore répondre de rien, et je ne pus obtenir la permission de lui parler. Il est donc vrai que tout me manque à la fois, qu'aucun appui ne m'est laissé dans un moment où j'aurais besoin du secours de tout le monde. Il est donc vrai que je vais abandonner mon père et quitter peut-être pour jamais les lieux où je sais maintenant que Sophie respire. Il le faut, si je ne veux perdre ensemble mon Éléonore et mon enfant. Il le faut, malheureux. Je courus tout Paris pour me procurer la foule des choses nécessaires à l'enlèvement de Madame de Lignol, et je ne sais quel pressentiment douloureux m'avertissait qu'elle allait faire un trop long voyage. En préparant tout pour notre commun départ, il me semblait que j'étais tourmenté d'un rêve pénible qui devait bientôt finir, mais une voix secrète me criait que le réveil serait affreux.